Vous voyez ça, hein? Ça fait mal, hein? Un nion en plein dans le nez. Ça bousille. La douleur monte jusqu'au cerveau. On a les yeux qui pissent des larmes. C'est pas drôle. Mais ce qui risque de suivre est encore moins drôle. Je viens de vous offrir ce que j'ai de plus agréable.